Bolanda lisusu rediffusion ya conseil ya mama Mujinga Pauline oyo azakoloba. Mama Mujinga Pauline parle. Conseil ya pesi na bilenge basi yaza mwasi alingi basi baye baba stitso yo pa ba kokoko ya bambeba tout le temps. Nazali présidente association ONG ou ndenge pa bengaka. Kombo nango ezali soyons solidaires au-delà des frontières. Soki boloke na toilette bosala attention. Soki ozan la possibilité somba moi papier na hygiénique que place yo kokoma na toilette wana oyebi bato bavana na toilette wana ba vandalité. Ba msusu za infection na bango msusu oya na toilette asali ba besoin na ye atike infection akeyi. Yo tango koya osali attention te oyé o vandi. Tango ko vanda osali ba besoin na yo bendi mai mai wana yakana puissance makasi. Soki mai wana kacha mai wana ba talité ezalaki ba infection ezalaki e komatela yo na nzoto. Soki mati na nzoto yo pe soko mipangu si bien te e mati e keti kokota na place na biso esali ke bosali ba infection ya mike mike. Infection na ile kaka ya msusu yo koyeba yango te e leka ina ngonde ngwana parce que yo ke toilette osali makamu na yo esili ozongi sans que osali attention. Koma kaka mkolomo boye kokuta ozi maladi tu oke infection boye. Oye bi place outi te menzo kande utaki parce que yo vanda ki bien te na kacha toilette wana. Donc conseil nga nazo pesa bino so yibo bibi bandeko basi. Bino pe bandeko basi bo zana bana mike ya biso ya basi bazo kokola parce que mabilo kwana esele maka mingi na ba periode wana. Sans ki biso ya parent yeba. Donc ata mwana pesa mwana conseil. Azwa mwa papier. So ki alinga vanda na kivete ya toilette. Asa la tension. Avanda kaka bi vande la te. Apangusa. Ou bien aka mata papi, ati yango na kati ya kivet ke soki asali ba besoin na ye, mai wana e matela ete po, soki mai wana eza deja infecté, e koko matela mwana, e sali ba infection, e koko provoke ba makamususu plus tard. Danger yango yo ya ko ndima, ba refugié wana ba ya kokota na RDC. Bande kona nga bo kota na ba image na internet bo luka biloko na zoko yebu sabino awa. Éthiopien, Érythréen, Somalien, Rwandais tuti, Ugandais tuti, Burundais tuti, bazana bilongi moko. Le Masai, bana bilongi moko. Eza difficile oye ba ke oyo aza Rwandais te. Alors balingi ba sala ke na vague wana, bako yebi sa chef de l'État, na gouvernement congolais, na assemblée congolaise, il y a que non, ba réfugiés tolingi ba ya kofanda nanu epa na bino en attendant. Ndenge basalaki na batutsi, lelo bakomi banyamulenge, bakoloba eza ba Rwandais te za ba Érythréen, ba Éthiopien bakotanga ba ikolo wana. Mais na kokota na bango. Munyamulenge akoya kokota. Baza ilongi moko. Ça sera difficile d'identifier. D'où la solution, c'est de refuser que réfugié yani lotique à kokota wati. Il faut dire non. Et même d'autres réfugiés bakota wati. Ça, c'est un fait. Bota la siko carte géographique que vous comprendrez et loko eza jemune ne bazo sala. Ndenge na uti ko yebisa bino que Israël yeyo aza awa. Balobi ba bengani bato oyo baza ba réfugié à Israël. Bota la je ya ba européen. Baleki Égypte. Bayeti baleki Nord Soudan. Baleki Sud Soudan. Baye bakoti ata awa. Te, me, baya kukota na RDC, baya kufani sabango na S awa. Kele lo komplo? Koma boku otambu saba refugie musika boye na Israel, posa na bine zakaka, baleka, soki bazaba refugie asolo, boku tisabango na Egypt bafanda. Soki Egypt desere elekimu ya ndelo, boye na bango na Nord Sudan. bobo y nord soudan botia bango na sud soudan bobo y sud soudan mo lebino baya na est awa ya congo bafanda awa eza projet oyo alingi basala yake ba echoué na banyamulenge oyo ba créer awa ko assiégé pays onyonso balingi ba tondisa ebele tango ba kozala en surnombre bakoka kobotela congo de plan Bouti kotala distance ya balingi baya na batokaka na RDC bale kabamboka nyonso ebako makaka na RDC biso pe ba congolais gouvernement congolais ezana makambo ebele mais bino baluba bande kona bino bazaba refugié kuna na Angola basali batante batikali bazako nyokwama batebele bazana ba église a revenir nazolo babokanga ezaba baluba Il y a quelques têtes des autres tribus, bien sûr. Mais mingi ezaba luba. Bozaka ka bosali mes, bozui offrande boke kolia. Botindi basina bana na Canada, na Afrique du Sud, bofungoli ba commerce. Mukolonini boko sala na ba église na bino a réveil. Un mois mobimba recette nyonso bozako zuwa. Ekende kozongisa ba frère na bino oye bakimaki kamwe na sapo. Bozongisa bango na chikapa, bozongisa na kananga, bozongisa bango na ba mweka uzongisa bango na kazamba uzongisa bango partout tango na lobaka baka na eglise de réveil na za fouté na kosala dossier mobimba boko comprendre mais na ebi mutu mwindu a défendre kama be mordicus soki balingi ba toucher ka eloko mundé la place ki mutu mwindu alinga ka kufa parce que na 1930 Na guerre ya 14-18 ya 40-45 ba européen ba kimaka bitumba pa na bango ba mata na bato to yamba bango to seke mutu mwindo azandenge wana parce que amona ki mundele ayambi na esengo suka na nyonso nini komela kibiso awa tozako kende pa na bango tozoku fana mai ba bengi biso ba immigré bango ba yao balobi bazaba expatrié le noir lorsque tu lui parles de ce qui est de lui il s'énerve moko akomelinga lobi pourquoi ozolo batozonga na ba authenticité omonte ke zako zonga sima pour lui tant ozoko pratiquer civilisation na coutume ya baninga oza avancé afrique ezandenge nini mawa na mawa Bande konangai lokola basala ki complot kokoti sa ba refugié ya bauta ki Israël et simbité ba juste stratégie mususu stratégie wana bazoko lokaka ke salema ba bandaki ango na muzitu na fayulu comment désorganiser la RDC et kota na guerre civile pour que maintenant na cadre ya ba négociation ba kongole ba kokima libanda bake komo ba refugié bakoluka bazongisa bango na kati na bango bazongisa batutu wana bozaki koboya au départ tango sikoyo échoué FCC a activé machine parce que FCC na la muka égale loko moko yangono mona kitango le président Félix a nommé Kyungu wa Kumwanza comme PCA ya SNCC a nommé Mutom Fabien, a nommé Lukonde Kienge, a nommé Oyo le PCA et je camine enfin c'est monsieur Yuma ya Yuma batelemeli angote batelemeli ya kiyo wakumwanza na ya Fabien babo yuko sine Yuma azali kuna PCA parce que Yuma azali FCC basala ki eloko wana pour que kiyo wakumwanza silika a active machine kuna na katanga ba profite guerre civile kota mais lokola kiyo wakumwanza sagesse na kimukolo ya komilelo il est resté le baobab parmi les grands qui a été de 13 parlementaires Il a dit cette bêtise que j'avais commise autrefois, je ne la commettrai plus jamais. Félix, Tikato Fanda, Bato et Loko Bazo, le Kesamu Susu, et Zapona, SNCC, et Oeza Koukoufa. Parce que Balindaki, Oyo, la mouka a échoué au sala, Bango Soko va comment activer de l'intérieur. Bando Konanga, Soko Bolandi, très bien, Makamunaza Koloba. Vous n'entendrez jamais Fayulu Tomuzito qui voit Steve Kofinga Kabila Oyo Bazala qui cocosta chaque jour que Baza contre yé. Mais Muzito était son premier ministre. Fayulu était son député. Il dirigeait le Kofin sous Kabila na assemblée provinciale. Alia Mbongo Ebele a causé la 20 chege. Vous avez les images. Bafinga Kaseni te, Bafinga FCC te, Bafinga Kaka Félix Tshisekedi. Allez-y comprendre. Analyse na biso yango wana. Bande konangai FCC lelo na likambo ya kotumba kaka effigie. Selon les enquêtes qu'on a menées, batumbaki effigie ya Kabila kuna na lolaba ezali batoyi de peste. Eza batuna bango moko. Ba profitaki ndenge batumbaki awa na Kishasa. Bango kuna batindi batuna bango batumbi image ya Kabila. Et puis bango ba mati oto tumbi ya président de la République, un président en fonction Félix Tshisekedi Tshilombo, le fils de l'homme. Pour que et ça la problème, mais bato ba esquivé. Il depuis ça le but de ça le côté Zaki biso te tumbaki. Mbala moko miye jabimi ye moko. Na mutu na ye. Ba longo na makambo ya effigie, ba bandi makambo ya épuration ethnique ya l'honneur. Pour que réaction est bien à côté à Bakassaye, où vous venez de Baluba na Kishasa, et puis ça trouble Wana, de calcul au FCC à Tiwana, comment la Mouka a échoué à comme ma trouble avec Muzito Fayulu, biso suko mon koto kota na scène. Quand on a envoyé des petits diables, on a échoué, Lucifer entre en scène lui-même. Lelo Oyo est simbité. Bande konangai, baye ko utiliser CLC, ya professeur Ndaiwel, bande konangai, telema, asaliti na marche, sans froid aux yeux, a lobi 15 millions, 15 millions, 15 millions. Mais bon, on n'a qu'à jamais CLC ko telema, ko sa la marche, po baboma ki batona kamo en sapo. Rien. Bon, on n'a qu'à jamais CLC avec Ndaiwel, côté le matango mbongo ba kizaki ki kwa na Ozefrem a tele maté lelo na sa koyeb sa professeur Ndaiwel l'honorable Christian Mwando a outi ko démontrer noir sur blanc na assemblée nationale qu'il y a détournement de plus de 150 millions de dollars boke ndé ko sa la marche contre ministre de finance au ministre FCC. Dans le rapport à ça, qui détourne même à Makasi, professeur Ndaiwel, a sali semblant n'était à l'andakité, à ce qu'il y a une conférence à l'ONU Bruxelles. Awa, les Kambo, il y a Dolima Kambo, tout ça comme tout, il y a 15 millions de baïbi, ce qui est baïbi qui est solo, il y a un docteur administrateur à Vidjana, les Kambo, il y a un c'est à sali marché. Pourquoi Daïuel Atali, non, Makabo, c'est mon frère de province, Abouya Kosala Yangote. Mais, ton monité, professeur Daïuel Kotelema, Kosala marche, il y a que, écoutez, gratuité, Zayloko Amalamu Bao, Bazo Telema Yangote, Katosala marche contre Bango, à Sali Sambla, à Kenogosala Batourna Waloni. Bande Konangai, le FCC est en train de chercher le chaos comme toujours. Botala, ce qui s'est passé dans l'émission, il y a Fabien Lumbala, na télé 50. Émission dans la Landa qui est le 15 novembre de cette année.